Introduction, que apprendre le concept de l'aura mentale. Le concept de l'aura mentale a intrigué et fasciné les individus pendant des siècles. Souvent associé à la spiritualité et à la métaphysique, l'aura mentale est considérée comme un champ d'énergie qui entoure et émane de notre esprit, reflétant nos pensées, nos émotions et notre état d'être. Cet article plonge dans le monde fascinant de l'aura mentale, en explorant sa signification, la base scientifique qui la sous-tend et son impact sur notre bien-être général. En comprenant le concept de l'aura mentale, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur la connexion corps-esprit et explorer des techniques pour cultiver une aura mentale saine pour un bien-être mental et une croissance personnelle améliorée. Un point définir l'aura mentale. Imaginez ceci, vous êtes assis dans un café bondé, en train de siroter votre café, quand quelqu'un entre. Sans même échanger de mots, vous avez en quelque sorte une idée de son énergie. C'est comme s'ils avaient un champ de force invisible autour d'eux, émettant des vibrations que vous pouvez presque voir. Ce que vous vivez est le phénomène de l'aura mentale. L'aura mentale fait référence au champ d'énergie subtil qui entoure une personne, reflétant ses pensées, ses émotions et son état mental général. C'est comme un nuage d'énergie colorée qui s'étend au-delà de notre corps physique, donnant aux autres un aperçu de notre monde intérieur. Une brève histoire de l'étude des auras. Le concept d'aura remonte à des siècles, avec des références trouvées dans d'anciens textes indiens, égyptiens et chinois. Tout au long de l'histoire, les mystiques, les guérisseurs et les praticiens spirituels ont exploré l'existence et la signification des auras. À la fin du XIXe siècle, un regain d'intérêt pour les auras a émergé avec la Société théosophique et le travail de la célèbre voyante Helena Blavatsky. La société a popularisé l'étude des auras et introduit l'idée que les auras peuvent être observées et interprétées. Avance rapide jusqu'à nos jours. Et l'étude des auras s'est étendue pour englober divers domaines de recherche, notamment la psychologie, la médecine énergétique et la physique quantique. Alors que l'existence des auras fait encore débat, de nombreuses personnes affirment avoir expérimenté leur présence et croient en leur profonde influence sur notre bien-être. 2. La science derrière l'aura mentale, explorer la connexion corps-esprit. La relation entre l'esprit et le corps. La connexion corps-esprit est un aspect fascinant de l'expérience humaine. Nos états mentaux et émotionnels ont un impact significatif sur notre bien-être physique. Lorsque nous nous sentons stressés, notre corps peut réagir avec des tensions musculaires, des maux de tête ou même une fonction immunitaire compromise. L'aura mentale est étroitement liée à cette connexion corps-esprit. On pense qu'il est le reflet de nos pensées, de nos émotions et de nos processus subconscients, influençant notre santé et notre vitalité en général. En d'autres termes, notre état mental peut laisser une empreinte sur notre champ énergétique, ce qui peut, à son tour, affecter notre état physique et émotionnel. Recherche scientifique sur l'existence des auras. Bien que les auras ne soient pas encore entièrement comprises ou acceptées par la science traditionnelle, certains chercheurs et scientifiques se sont penchés sur l'étude des auras et de leurs implications potentielles. Par exemple, la bioélectrographie, une technique qui capture et analyse les émissions électromagnétiques du corps humain, a fourni des informations intéressantes sur l'existence des auras. Ces études montrent des variations d'émissions d'énergie autour de différentes parties du corps, suggérant la présence d'un champ aurique. De plus, les progrès de la technologie d'imagerie cérébrale ont montré des corrélations entre les états mentaux et émotionnels et les changements dans l'activité cérébrale. Cette connexion renforce l'idée que notre état mental peut se manifester dans des champs énergétiques subtils, tels que l'aura mentale. 3. Dévoiler les couches, comprendre les composants de l'aura mentale. Vue d'ensemble de l'aura et de ses couches. L'aura humaine est souvent décrite comme composée de plusieurs couches, chacune représentant différents aspects de notre être. Alors que différents systèmes classent ces couches différemment, beaucoup s'accordent sur l'existence d'une couche mentale au sein de l'aura. Considérer la couche mentale comme la partie de l'aura qui reflète nos pensées conscientes, nos croyances et nos processus intellectuels. C'est comme un miroir qui projette notre réalité cognitive dans le champ énergétique qui nous entoure. Cette couche peut changer en réponse à notre état mental et peut être influencée par divers facteurs tels que le stress, les émotions et la croissance personnelle. Se concentrer sur la couche mentale. Au sein de l'aura mentale, divers éléments peuvent être observés et interprétés. Ces éléments incluent la clarté de la pensée, la présence de schémas de pensée et la vibration globale de notre énergie mentale. Lorsque notre aura mentale est équilibrée et harmonieuse, elle peut apparaître comme une lueur claire et vibrante. Cependant, pendant les périodes de stress ou de troubles émotionnels, l'aura mentale peut devenir trouble, terne ou fragmentée. Comprendre les composants de l'aura mentale peut nous aider à mieux comprendre notre bien-être mental et à faire les ajustements nécessaires pour soutenir notre santé et notre vitalité globale. 4. Les couleurs et les significations. Décrypter le symbolisme de l'aura mentale. Interpréter différentes couleurs dans l'aura mentale. Tout comme les couleurs ont une signification symbolique dans diverses cultures, elles peuvent également donner un aperçu de notre état mental et émotionnel lorsqu'elles sont observées dans l'aura mentale. Par exemple, une couleur bleue vibrante dans l'aura mentale pourrait indiquer la clarté de la pensée, le calme et l'ouverture d'esprit. D'autre part, les nuances de rouge peuvent suggérer de l'agitation, du stress ou un état de vigilance accrue. Il est important de noter que l'aura mentale de chacun est unique et que les interprétations individuelles peuvent varier. Être conscient des couleurs présentes dans notre aura mentale peut servir de guide pour comprendre notre état d'esprit actuel et potentiellement apporter des changements positifs à notre bien-être mental. L'importance des combinaisons de couleurs et des motifs. Alors que les couleurs individuelles ont un sens, la combinaison et les motifs de couleurs dans l'aura mentale fournissent un aperçu encore plus profond. Un mélange vibrant de couleurs pourrait suggérer un état mental bien équilibré, tandis qu'une absence ou une dominance de certaines couleurs pourrait indiquer des zones de déséquilibre ou de croissance potentielle. En observant et en décodant ces combinaisons et motifs de couleurs, nous pouvons acquérir une meilleure compréhension de notre paysage mental et prendre des mesures proactives vers l'amélioration de soi et le bien-être. N'oubliez pas que l'interprétation de l'aura mentale est un art plutôt qu'une science exacte. C'est un outil qui peut nous guider dans l'exploration de notre monde intérieur et nous comprendre à un niveau plus profond. Alors, embrassons le mystère et explorons le kaléidoscope de nos auras mentales. 5. Cultiver une aura mentale saine, technique pour favoriser la pleine conscience et le bien-être mental. Notre aura mentale joue un rôle crucial dans notre bien-être général. Tout comme nous devons prendre soin de notre santé physique, il est tout aussi important de nourrir notre aura mentale. Voici quelques techniques qui peuvent nous aider à cultiver une aura mentale saine. Pratique pour développer la clarté mentale et la concentration. Dans notre monde trépidant, il est facile de se sentir dépassé et dispersé. Pour améliorer la clarté mentale et la concentration, essayez d'intégrer des pratiques de pleine conscience dans votre routine quotidienne. Cela peut inclure la méditation, des exercices de respiration ou même des activités simples comme se promener dans la nature. Prendre le temps de calmer l'esprit et d'être pleinement présent peut faire des merveilles pour notre aura mentale. Outils pour promouvoir l'équilibre émotionnel et la résilience. L'équilibre émotionnel est essentiel pour maintenir une aura mentale saine. S'engager dans des activités qui vous apportent de la joie et pratiquer les soins personnels peut vous aider à naviguer à travers des émotions difficiles. Qu'il s'agisse de tenir un journal, de passer du temps avec des êtres chers ou de s'adonner à un passe-temps, trouvez ce qui vous apporte un équilibre émotionnel et faites-en une priorité dans votre vie. 6. L'impact de l'aura mentale, comment les pensées et les émotions influencent notre aura. Nos pensées et nos émotions ont un impact direct sur notre aura mentale. Comprendre cette connexion est essentiel pour maintenir une aura positive et dynamique. Le lien entre les pensées, les émotions et l'aura mentale. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre humeur peut changer lorsque vous vous attardez sur des pensées négatives? C'est parce que nos pensées et nos émotions créent une vibration énergétique qui rayonne à travers notre aura mentale. Les pensées et les émotions positives peuvent améliorer la luminosité de notre aura, tandis que les négatives peuvent l'obscurcir. Être conscient de notre état mental et choisir activement des pensées positives peut nous aider à maintenir une aura mentale saine. Identifier les schémas de pensée négatifs et leurs effets sur l'aura. Les schémas de pensée négatifs, tels que le doute de soi ou l'inquiétude excessive, peuvent nuire à notre aura mentale. Ces motifs créent une énergie dense qui peut atténuer la luminosité de notre aura. Il est important d'identifier ces schémas négatifs et de travailler à les remplacer par des pensées positives et stimulantes. N'oubliez pas que notre aura mentale est le reflet de notre paysage intérieur, donc nourrir des pensées positives se reflétera dans une aura vibrante. 7. Guérir et équilibrer l'aura mentale, outils et pratiques pour restaurer l'harmonie. Lorsque notre aura mentale est déséquilibrée, il est crucial de rétablir l'harmonie pour favoriser le bien-être général. Voici quelques outils et pratiques qui peuvent aider à guérir et à équilibrer l'aura mentale. Technique de guérison énergétique pour l'aura mentale. Les modalités de guérison énergétique, telles que le Reiki ou la guérison par les cristaux, peuvent être efficaces pour rétablir l'équilibre de l'aura mentale. Ces pratiques aident à éliminer toute énergie stagnante ou négative, permettant à l'aura de retrouver son dynamisme. Chercher un guérisseur énergétique qualifié ou apprendre des techniques d'auto-guérison peut être une étape transformatrice vers la restauration de l'harmonie dans votre aura mentale. Méditation et visualisation pour équilibrer l'aura mentale. La méditation et la visualisation sont des outils puissants pour équilibrer l'aura mentale. En calmant l'esprit et en nous concentrant sur des intentions positives, nous pouvons éliminer tous les blocages énergétiques et ramener notre aura mentale dans l'alignement. L'intégration de techniques de visualisation, où nous imaginons une aura mentale vibrante et rayonnante, peut améliorer l'efficacité de ces pratiques. 8. Élargir la conscience, exploiter le pouvoir de l'aura mentale pour la croissance personnelle. Notre aura mentale a le potentiel de nous propulser vers la croissance personnelle et la découverte de soi. Embrasser son pouvoir peut conduire à une profonde transformation. Utiliser l'aura mentale pour améliorer l'intuition et la perception. Une aura mentale saine peut améliorer nos capacités intuitives et aiguiser notre perception. Lorsque notre aura mentale est claire et vibrante, nous sommes plus à l'écoute de notre sagesse intérieure et mieux en mesure de faire confiance à notre intuition. Prêter attention aux signaux subtils de notre aura mentale peut nous guider pour prendre des décisions éclairées et naviguer dans la vie avec plus de clarté. Utiliser l'aura mentale pour manifester des objectifs et des intentions. L'aura mentale sert d'aimant puissant pour manifester nos objectifs et nos intentions. En visualisant nos résultats souhaités et en alignant nos pensées et nos émotions avec eux, nous pouvons exploiter l'énergie de notre aura mentale pour manifester nos rêves. N'oubliez pas que plus nous croyons au pouvoir de notre aura mentale, plus ce processus de manifestation devient efficace. L'intégration de ces techniques, la compréhension de l'impact de nos pensées et de nos émotions, et l'équilibrage et l'entretien actif de notre aura mentale peuvent contribuer à une vie plus heureuse, plus saine et plus utile. Alors, prenez un moment, respirez et commencez à cultiver votre aura mentale vibrante dès aujourd'hui. En conclusion, l'exploration de l'aura mentale offre une perspective unique sur notre monde intérieur et son interconnexion avec l'environnement extérieur. En reconnaissant l'influence de nos pensées et de nos émotions sur notre aura, nous pouvons nous donner les moyens de cultiver une aura mentale positive et équilibrée. Grâce à des pratiques de pleine conscience, de conscience de soi émotionnelle et de guérison énergétique, nous pouvons rétablir l'harmonie au sein de notre aura mentale, promouvoir le bien-être et favoriser la croissance personnelle. Embrasser le pouvoir et la signification de l'aura mentale nous permet de puiser dans notre potentiel inné et de nous lancer dans un voyage transformateur de découverte de soi et d'illumination. Foire aux questions. 1. Qu'est-ce que l'aura mentale? L'aura mentale fait référence au champ énergétique qui entoure notre esprit, reflétant nos pensées, nos émotions et notre état d'être général. Il est considéré comme une extension de notre conscience et joue un rôle important dans notre bien-être et notre croissance personnelle. 2. Existe-t-il des preuves scientifiques soutenant l'existence de l'aura mentale? Alors que le concept d'aura mentale est profondément enraciné dans la spiritualité et la métaphysique, des recherches scientifiques en cours explorent l'existence et l'influence des champs d'énergie autour du corps humain. Des études sur la bioélectromagnétisme et la connexion corps-esprit donnent un aperçu de la base scientifique potentielle de l'aura mentale. 3. Comment puis-je cultiver une aura mentale saine? Cultiver une aura mentale saine implique diverses pratiques telles que la pleine conscience, la méditation, la conscience de soi émotionnelle et la guérison énergétique. En nourrissant des pensées positives, en gérant les émotions et en s'engageant dans des techniques qui favorisent le bien-être mental, nous pouvons améliorer et équilibrer notre aura mentale. 4. L'aura mentale peut-elle avoir un impact sur la croissance personnelle et l'intuition? Oui, on pense que l'aura mentale joue un rôle dans la croissance personnelle et l'intuition. En exploitant le pouvoir de l'aura mentale, les individus peuvent élargir leur conscience, améliorer leur intuition et manifester leurs objectifs et leurs intentions plus efficacement. Développer une aura mentale claire et équilibrée peut favoriser la découverte de soi, la guidance intérieure et le développement spirituel. Page 46, 3, nous allons parler de l'aura émotionnelle. Page 46, 3.